L'ouverture du colloque du secteur des légumes de serre 2017 a eu lieu le 1er juin au Centre d'études des légumes de Pyongyang de l'Institut agronomique en présence de Kwak Bom-gi, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, des cadres intéressés, des scientifiques, des techniciens et des producteurs. Au cours du colloque prévu jusqu'au 16 juin, seront publiés les succès et les expériences obtenues dans l'étude et la production des légumes de serre et organisés des cours spéciaux et des visites.